Chapitre 2e. Une année s'était écoulée, une de ces années pleines et rapides qu'on s'étonne ensuite de voir si tôt finie. Luca Penny était devenu le commensal assidu de la Villa Olivesi, qu'il n'avait pas quittée, même pendant l'hiver, et où les nobles époux avaient partagé sa réclusion. La toile immense que son pinceau devait remplir était déjà plus qu'à moitié achevée. Le débiteur du marquis s'acquittait peu à peu envers lui. Fidèle à toutes ses promesses, le génie brillait à chaque page de ce livre gigantesque où le peintre ignoré écrivait son nom pour la postérité. Ce n'était pas l'envie qui, travaillant malgré elle à sa gloire, l'avait attaché, nouveau Michel-Ange, à cette autre Sixtine en lui disant « Tu la couvriras de tes chefs-d'œuvre ». C'était le génie bienveillant des arts personnifiés dans le vieux marquis qui avait distingué dans la foule cette merveilleuse organisation qui avait deviné le peintre au regard, au front, à la démarche, à ce je ne sais quoi, par qui les initiés se révèlent l'un à l'autre et que les profanes ne comprennent pas. Lui, pauvre jeune étudiant nourri dans le travail et la pauvreté, il était passé, sans intermédiaire, de son humble atelier à un palais, de cette prosaïque existence de privation et d'amertume où le talent s'éteint, à cette poésie de l'opulence qui berce, comme dans un long rêve, les jours dorés des heureux du siècle. Et puis Gelsomina, comme ces créatures aériennes dont la plume fantastique de Shakespeare a peuplé le royaume désert, semblait planer autour de lui et réchauffer son pinceau de sa présence inspiratrice. Penny, qu'une jalouse émulation poussait à imiter Raphaël, alors même qu'il voulait lutter avec lui, avait voulu, présomptueux jeune homme, donner un pendant à l'immortelle vie de Psyché, un des plus beaux ouvrages de Sanzio dans toute la maturité de son talent. Avec l'audace du génie, il avait osé aborder le même sujet et lutter ainsi corps à corps avec ce rival gigantesque. Raphaël, s'était-il dit pour excuser son audace à ses propres yeux, Raphaël, quand il peignait Psyché, n'avait pour modèle que la Fornarina, et moi, plus heureux que lui, n'ai-je pas Psyché elle-même, chaste et virginale, comme l'était celle de la fable avant qu'une faute, une faiblesse, une curiosité de femme eût perdu cette ève du paganisme, 100 fois plus touchante que l'autre. En effet, on eût dit que cette fable si ravissante, si doucement mystique, avait été inventée exprès pour peindre le caractère de beauté de la marquise, beauté toute immatérielle, toute morale, et qui semblait ne toucher à la terre que comme l'oiseau, alors même qu'il marche, on sent qu'il a des ailes. Aussi le peintre avait-il reproduit avec un merveilleux bonheur cette physionomie si chaste, si pure, et pourtant si expressive, gracieuse personnification de l'âme avant sa souillure. Chacun des sentiments qui modifient l'âme humaine se peignait tour à tour à chacune des pages de ce livre inspiré. Pour éviter la monotonie qui eût pu résulter d'un pareil sujet, le peintre, poète en même temps, avait l'art de réveiller dans l'âme impressible de son modèle les sentiments qu'il devait exprimer. Les concetti passionnés du Tasse, les vers plus légers de l'Arioste, surtout les rimes du Dante, si profondément mélancoliques, faisaient résonner tour à tour toutes les cordes de cette âme toujours ouverte, comme un écho à toute vibration de poésie. Quelquefois, à côté de ces modèles désespérant de perfection, comme un tableau de Raphaël, Penny osait hasarder ses propres vers, car il était poète aussi. Tout peintre l'était à cet âge d'universalité du génie. Les vers de Penny ne parlaient pas d'amour, il songeait bien à cela, vraiment. La peinture, sa maîtresse, son idole, n'avait plus laissé place dans son cœur pour un autre enthousiasme. Qui d'ailleurs eût osé parler d'amour et de fragilité humaine à cette Psyché si jeune et si pure? Qui eût osé lui mettre aux mains le triste flambeau qui brûle sans éclairer et ne nous fait voir le bonheur fixé près de nous qu'au moment où il s'envole? Pauvre Gelsomina, en vain attachait-elle sur le jeune enthousiaste ses yeux d'un bleu sombre, nageant dans je ne sais quel fleuve voluptueux où leur feu s'adoucissait sans s'éteindre. Ses yeux noyés dans une douce langueur, empreints d'une chaste séduction dont elle-même n'était pas complice. Quand le peintre, préoccupé de son sujet, demandait en rougissant à ses regards si pudiques d'exprimer l'amour, en vain Psyché attachait-elle sur lui des regards qu'à son céleste époux elle n'eût pas adressés plus tendres. « c'est cela même !» s'écrit le peintre hors de lui. Et il transportait sur la toile, avec une désespérante vérité, ses regards de feu, qui, à tout autre que lui, eussent fait tomber le pinceau de la main et oublié le tableau pour le modèle. Est-ce à dire pour cela que la belle marquise se rendit bien compte du penchant qui l'entraînait vers l'ingrat Penny ? Non. Une pensée coupable n'avait pas même effleuré cette âme, vierge, hélas, comme le beau corps qu'elle habitait. Mais parfois, quand toutes ces enivrantes visions de beaux-arts et de poésie avaient trop vivement ému ses nerfs de femme fragile, quand, seule, inclinée sur sa molle ottomane au coussin de velours, elle se demandait si, à la fleur des ans, elle n'était pas faite pour quelque chose de mieux que servir de hochet à un vieil artiste et de modèle à un autre, alors de vagues pensées, telles qu'il en passe devant notre âme entre la veille et le sommeil, venaient faire pressentir à cet être incomplet et manqué, qui n'était plus une jeune fille et qui n'était pas encore une femme, tout le bonheur qu'elle ignorait encore. La pensée du marquis revenait bien quelquefois, et elle ne la repoussait pas. Mais ce front chauve et flétri ne lui apparaissait que comme celui d'un père. Un coin de son cœur suffisait pour contenir cet amour-là. Mais souvent, oh, bien plus souvent, venait flotter devant ses yeux, la tête pâle et accentuée du jeune peintre, avec ses longues boucles brunes toujours en désordre, et que sa main rejetait en arrière par un geste plein de grâce. Avec son front onduleux et aux puissants contours, avec ses yeux surtout, ses yeux où ne brillait hélas d'autre feu que celui du génie. Que lui voulait-elle ? Elle l'ignorait elle-même. Enfant encore, tant que l'amour n'en avait pas fait une autre femme, elle ne comprenait pas ce que voulait dire, et ses longues rêveries, et cette unique pensée, cette unique image qui nous poursuit toujours, et qui remplirait l'éternité elle-même d'une longue et inextinguible rêverie. Mais le lendemain, sans qu'elle sût pourquoi, une rougeur plus intense couvrait ses joues quand ses yeux rencontraient ceux du jeune artiste. Son regard, sans qu'il eût besoin de l'en prier, devenait de lui-même plus profond et plus tendre. Psyché, inclinée vers l'amour endormi, risquant son bonheur, sa vie, tout ce qu'elle possédait pour un regard, et ne croyant pas perdre au marché s'il avait entrevu une fois celui qu'elle aimait. Psyché, pleurant sa faute et surtout ce qu'elle lui a coûté, et prête à tout reperdre encore pour un instant de ce coupable bonheur qu'elle a payé si cher. Toutes ces nuances si diverses, ces scènes si mobiles du drame de l'âme humaine, telle que nous l'a transmis l'ingénieuse Attique, se reproduisaient fidèlement sur ce visage expressif, reflet d'une âme aussi impressible que lui. Le peintre, sans songer même à s'étonner de cette merveilleuse souplesse de sensibilité que le génie ou l'amour peuvent seuls enseigner, saisissait au passage toutes ces nuances fugitives avec un rare bonheur de fidélité. L'ouvrage avançait, non pas avec cette lente régularité qui y glace le génie, mais avec ses bons capricieux, ses saillies inégales qui le caractérisent. Toutes les scènes de la vie de Psyché, toutes les pages de ce vaste sujet commencé à la fois, permettaient au peintre de suivre à la fois et les fantaisies de son pinceau et l'humeur presque aussi changeante du modèle. La gaieté enfantine et folâtre brillait-elle dans les yeux de Gelsomina ? Une parure nouvelle, venue de Florence, avait-elle ranimé cette vanité féminine que la plus sage même n'abdique jamais tout à fait ? Le peintre esquissait Psyché, femme avant d'être déesse, et étalant devant ses jalouses sœurs l'orgueil naïf de sa parure. Le sirocco soufflait-il avec ses tièdes haleines ? Une douce langueur assouplissait-elle le corps gracieux de la marquise ? Et voilait-elle ses yeux demi-fermés ? C'était Psyché seule sur sa couche, veuve comme elle, et pleurant l'époux qu'elle a perdu pour l'avoir trop aimé. « Et le marquis, demandera-t-on, quel rôle jouait-il dans ce drame mythologique ? Où l'Antiquité avait oublié de marquer sa place. Quel rôle ? Celui d'un spectateur qui comprend à demi-mot, mieux quelquefois que les acteurs eux-mêmes, et jouit à la fois et de l'illusion qu'il veut bien avoir et des secrets qu'il devine. Observateur presque désintéressé, aucun des mouvements les plus secrets de ces deux âmes n'avait échappé à son œil clairvoyant. À force de les étudier, il avait fini par les lire peut-être plus distinctement qu'eux-mêmes. En garde contre toutes les illusions dont sa confiance en Gelsomina était peut-être la dernière, il ne s'exagérait pas cette confiance même. La vertu de la marquise durerait bien autant que lui. À 15 jours près, il l'avait calculée, et c'était en conscience tout ce qu'il pouvait exiger d'elle. Connaissant, en vieux tentateur, toute la puissance d'une tentation ainsi prolongée, il connaissait aussi, un homme qui fait la part de tout, même de la vertu, ce que devait durer la résistance. Il savait à jour fixe l'instant où elle devait cesser. Ce serait celui où la marquise savourait le danger et ne le fuirait pas. Cette heure n'était pas venue. Gelsomina, comme un enfant, jouait encore avec le feu sans savoir qu'il brûle, et l'abstraction profonde où vivait le jeune peintre venait au secours de son innocence. C'était avec un ineffable sourire de satisfaction que le marquis s'applaudissait de son audace, à la vue de cet enjeu si hardi qu'il mettait sur la vertu d'une femme et sur la préoccupation de gloire d'un jeune artiste. Blasé sur toute émotion qui ne serait pas une nouveauté pour lui, il s'amusait à comparer ensemble la double séduction de l'amour sur une âme de femme et de la gloire sur une âme de peintre. Et, chose étrange à dire, le plus puissant des deux, ce n'était pas l'amour. La marquise, tout honnête qu'elle fût, eût cédé avant le peintre. Mais aussi, la jeune femme aimait-elle son mari comme Penny aimait la peinture? Le vieux dilettante était-il pour elle ce qu'un pinceau était pour Penny? C'était là, certes, une question que le vieillard n'eût pas osé se faire. D'ailleurs, le marquis se sentait mourir. C'était là le secret de sa résignation. En laissant cette jeune âme de femme suivre la pente qu'il avait contrariée si longtemps, il se sentait plus sûr d'être regretté par elle. Cette pensée le consolait, elle qui en eût désolé tant d'autres. Penché sans cesse sur l'épaule du peintre, suivant d'un œil avide les progrès de son pinceau, moins rapide encore que le déclin de sa propre existence, on eût dit qu'elle était attachée à cette toile fragile, qui se hâtait de vivre à mesure que lui se hâtait de mourir. Dans cette âme morte à toutes les émotions, toute la puissance de sentir s'était concentrée sur une seule. L'homme était déjà mort, le dilettante seul vivait encore. Il voulait, en quelque sorte, laisser son nom sur ce tableau à côté de celui du peintre. N'en était-il pas l'auteur? Peintre et tableau, n'avait-il pas tout créé? Qu'était-ce que ce Penny, vassal de sa pensée, attaché par lui à son tableau comme à la glèbe, qu'était-ce, sinon le bras qui exécute, et lui, la tête qui pense et qui commande? Chaque jour déclinaient les forces du marquis, et son enthousiasme n'en était pour cela ni moins fervent, ni moins vivace. Chaque jour encore il se faisait porter à côté du peintre. Il suivait d'un œil avide la marche de ce pinceau qui avait beau se presser, la mort allait plus vite que lui. En vain la marquise, effrayée de cette rapide décomposition d'un être qu'elle se reprenait à aimer au moment où elle était prête de le perdre, voulait-elle tout suspendre et laisser là toute cette comédie pittoresque qui avait quelque chose de pénible à côté d'un tombeau? Le marquis s'y refusait obstinément. Il voulait mourir comme il avait vécu, dans un atelier, en face d'un chevalet, à l'odeur, plus suave pour lui que tous les parfums de l'Arabie, d'une palette chargée de couleurs. Il voulait, comme Masaccio, empoisonné par un rival, que son dernier soupir s'exhalât en face de sa fresque chérie, si sa main mourante ne pouvait plus manier le pinceau. Ses désirs furent satisfaits. Par un beau jour d'automne, au moment où la nature d'Italie entourait de toutes ses pompes cette année qui allait finir, comme le vieux dilettante qui ne devait hélas pas renaître avec elle, le marquis sentit que son heure était venue. Pour la dernière fois, il se fit porter à sa place favorite, en face d'un des tableaux que le peintre venait de finir. La marquise éplorée et redevenue une simple femme, aux douces et profondes affections, se penchait sur son époux, l'entourait de ces soins si doux dont les femmes seules ont le secret, et réchauffait dans ses mains les mains glacées du vieillard, comme pour lui communiquer quelque chose de sa chaude et jeune vie. Le peintre, touché lui-même de voir ainsi s'éteindre cette belle et vigoureuse organisation d'artiste, toute flétrie qu'elle fut par l'excès même de sa sève, cherchait à charmer encore par de douces causeries d'art et de poésie ces dernières heures d'une vie fatiguée. C'était plus qu'un protecteur, plus qu'un ami qu'il perdait dans le marquis, c'était presque un père. C'était celui qu'il avait engendré à la peinture, qu'il avait lancé dans la carrière en écartant sous ses pas toutes les entraves, qu'il avait ramassé pauvre et nu, au sein du découragement et de la misère, pour le mettre sous des lambris dorés, dans l'atmosphère féconde du luxe et de l'opulence, en face d'un chef-d'œuvre de ce Sanzio, jadis pauvre et ignoré comme lui, et lui dire « Et toi aussi, tu me feras des chefs-d'œuvre ». Plein de cette émotion religieuse qui suspend la douleur même à côté du lit de mort de ceux que nous aimons, l'artiste cherchait un dernier reste de vie et d'enthousiasme dans ses yeux prêts à s'éteindre et qui pourtant le comprenaient encore. Il suivait la main débile du vieillard qui désignait encore ses sujets favoris. Il écoutait dans un religieux silence ces paroles rares et confuses que le mourant essayait de balbutier. Le soleil, près de se coucher, jetait alors un voile de pourpre sur le tableau que le peintre venait de finir. Il était en harmonie avec cette scène touchante. C'était Psyché, seule, abandonnée par son volage époux, et pleurant, comme une jeune fille trompée, sa faute qu'elle chérissait encore. Des pleurs roulaient dans ses yeux fatigués, comme dans ceux du modèle, qui, à genoux devant son époux, devant son ami, ses longs cheveux dénoués, n'avait pas même alors la conscience de cette beauté touchante que le peintre avait transportée sur la toile. Celui-ci, plongé dans une muette extase, contemplait ce groupe ravissant avec toutes ses riches et merveilleuses harmonies de douleur, de grâce et de beauté, et accusait son art d'impuissance en voyant combien la nature était plus belle encore que lui. Le marquis, même aux portes de la mort, vivait assez encore pour sentir toute cette poésie qui entourait ses derniers instants. Un regard intelligent dit au jeune homme qu'il avait compris sa pensée. Un autre regard, plus lent, plus profond, plus triste, chercha celui de la marquise. Elle ne s'y trompa pas. Ce regard-là, c'était un adieu. Par un dernier effort, le marquis se releva à demi vers elle. « Gelsomina, » murmura-t-il à son oreille, « je te lègue ces chefs-d'œuvre, mais c'est à toi de les payer. » La marquise rougit, elle avait compris. Le peintre, heureusement, n'avait rien entendu. La tête du mourant retomba en arrière. La marquise était veuve. C'était la seule pensée qu'elle pouvait se permettre à côté du cadavre de son époux.